Somme le 21. Je dois stationner du côté des numéros pairs. Réponse A. Du côté des numéros impairs. Réponse B. Le stationnement est gratuit. Réponse C. Payant. Réponse D.